Votre plan est déjà ⨨ exhaustif, équilibré et parfaitement structuré ⨨ pour un livre d'analyse politique et biographique sur Ousmane Sonko et le PASTEF. Voici comment je peux vous aider à le concrétiser, en combinant ⨨ rigueur académique ⨨ sources actualisées ⨨ et ⨨ approche narrative ⨨ pour captiver vos lecteurs. ⨨ 1. Point fort de votre plan à exploiter ⨨. ⨨. La dimension panafricaine, chapitre 12, ⨨. ⨨ à développer ⨨. ⨨ l'héritage idéologique ⨨. Comparer les discours de Sonko avec ceux de Sankara, autosuffisance, Nkrumah, unité africaine, et Dia, développement endogène. Citer des extraits de ses interventions à Ouagadougou ou ses rencontres avec Ibrahim Traoré. ⨨ le panafricanisme de gouvernement ⨨, analyser comment Sonko passe de l'opposition radicale à une diplomatie pragmatique, exemple, relation avec l'AES tout en évitant les ruptures brutales. ⨨, exemple concret ⨨, son voyage en Guinée ou en Côte d'Ivoire en 2024, et ses déclarations sur la nécessité d'une Afrique unie mais réaliste. ⨨. La souveraineté face à la France, chapitre 13, ⨨. ⨨ à documenter ⨨. ⨨ le retrait des bases militaires ⨨, utiliser les ⨨ déclarations officielles ⨨ du gouvernement sénégalais, 2024, et les réactions de l'Élysée. Citer le calendrier, fin 2025, et les arguments de Sonko, sans garnison étrangère, mais avec des accords. ⨨, le franc CFA ⨨, intégrer ses déclarations à la RTB, Burkina Faso, sur un ultimatum pour une monnaie africaine, et les réactions des institutions financières, BCEAO, FMI. ⨨, symboles historiques ⨨, lier son discours à l'histoire des tirailleurs sénégalais et au massacre de Tiaroua, 1944, en citant ses interventions publiques. ⨨, c'est. La réforme de la pêche, chapitre 14, ⨨. ⨨, données clés à inclure ⨨. ⨨, chiffres ⨨, 132 licences pour des navires nationaux vs 19 pour des étrangers, mai 2024, et le retrait de 100 chalutiers chinois faussement immatriculés. ⨨, impact social ⨨, témoignage de pêcheurs, exemple, fin des migrations vers la Mauritanie, retour de la sardinelle. Citer des rapports de Greenpeace ou des ONG locales. ⨨, contexte diplomatique ⨨, réaction de la Chine et de l'UE, et le renouvellement du protocole Sénégal-Mauritanie, décembre 2024. ⨨, 2. Méthode pour rédiger chaque chapitre ⨨. ⨨, structure type d'un chapitre ⨨. 1. ⨨, introduction ⨨, contexte historique ou thématique, exemple, pourquoi la pêche est-elle un enjeu souverainiste au Sénégal? 2. ⨨, développement ⨨. ⨨, faits et chiffres ⨨, sourcés. ⨨, analyse ⨨, lien avec les théories panafricaines ou les défis géopolitiques. ⨨, citation ⨨, discours de Sonko, réaction d'experts ou d'opposants. 3. ⨨, conclusion ⨨, bilan et transition vers le chapitre suivant. ⨨, ⨨, ⨨, ⨨, b. Exemple pour le chapitre 13, souveraineté face à la France, ⨨. ⨨, introduction ⨨. ⨨, depuis les indépendances, la présence militaire française en Afrique a souvent été perçue comme un héritage colonial. Ousmane Sonko, dès 2018, en a fait un symbole de la France-Afrique à abattre. En 2024, au pouvoir, il passe des mots aux actes, le retrait des bases françaises du Sénégal est annoncé pour fin 2025. Mais cette décision, saluée par une partie de la jeunesse, suscite aussi des interrogations sur la sécurité régionale, ⨨. ⨨, développement ⨨. ⨨, contexte ⨨, citer les accords de défense franco-sénégalais, 1974-2008, et les critiques de Sonko, la France n'a ni la capacité ni la légitimité de garantir notre sécurité. Astérisque astérisque mesure concrète astérisque astérisque décret de retrait, source, présidence du Sénégal, 2024, réaction de Macron, respect de la décision sénégalaise, mais inquiétude pour la stabilité. Astérisque astérisque analyse astérisque astérisque, comparé avec le Mali ou le Burkina Faso, retrait similaire en 2022 à 2023, et les risques de vide sécuritaire. Astérisque astérisque citation astérisque astérisque, astérisque nous pouvons avoir des accords de coopération sans garnison étrangère astérisque, Sonko, discours à l'Assemblée nationale, 2024. Astérisque astérisque conclusion astérisque astérisque. Astérisque le retrait des bases françaises marque une rupture symbolique, mais son impact réel dépendra de la capacité du Sénégal à assurer sa propre sécurité. Pour Sonko, c'est un test, peut-on concilier souveraineté et stabilité? Astérisque. Dièse dièse dièse astérisque astérisque 3. Ressources pour enrichir votre livre astérisque astérisque. Dièse dièse dièse dièse astérisque astérisque à source primaire astérisque astérisque. Astérisque astérisque discours de Sonko astérisque astérisque. Discours à l'UCAD, 2023, https://www.youtube.com retranscription disponible sur SunNews. Interview à la RTB, Burkina Faso, 2024, https://www.rtb.bf sur le panafricanisme. Astérisque astérisque documents officiels astérisque astérisque. Décret sur les licences de pêche, mai 2024, ministère de la pêche du Sénégal, https://www.pêche.gouv.sn. Accord Sénégal-Mauritanie, décembre 2024, présidence du Sénégal, https://www.présidence.sn. Dièse dièse dièse dièse astérisque astérisque B source secondaire astérisque astérisque. Astérisque astérisque livre astérisque astérisque. Astérisque pétrole et gaz au Sénégal astérisque, Sonko, 2018, pour les chapitres sur les ressources naturelles. Astérisque la France-Afrique astérisque, François-Xavier Verschave, pour le contexte historique. Astérisque astérisque article astérisque astérisque. BBC Afrique, https://www.bbc.com/Afrique analyse sur les tensions Sonko Diomé, 2025. Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com dossier sur le panafricanisme et les réformes économiques. Dièse dièse dièse dièse astérisque astérisque ces témoignages astérisque astérisque. Astérisque astérisque pêcheur astérisque astérisque, contactez la GEP, https://www.gep.org syndicat des pêcheurs, pour des interviews. Astérisque astérisque militant PASTEF astérisque astérisque, via les sections locales ou la diaspora, exemple, PASTEF Suisse ou Allemagne. Dièse dièse dièse astérisque astérisque 4. Annexe et bibliographie astérisque astérisque. Dièse dièse dièse dièse astérisque astérisque à annexe utile astérisque astérisque. Astérisque astérisque chronologie astérisque astérisque, tableau des dates clés, 1974 à 2025, avec source pour chaque événement. Astérisque astérisque carte astérisque astérisque. Zone de pêche sénégalaise, avant après 2024. Implantation des bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest. Astérisque astérisque textes officiels astérisque astérisque, extrait des discours de Sonko, accord diplomatique. Dièse dièse dièse dièse astérisque astérisque B bibliographie astérisque astérisque. Astérisque astérisque ouvrage astérisque astérisque. Sonko, O, 2018. Astérisque pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation astérisque. Mbambe, A, 2021. Astérisque sortir de la grande nuit astérisque. Astérisque astérisque article astérisque astérisque. BBC Afrique. 2025, astérisque Ousmane Sonko, pourquoi ses propos suscitent de vives réactions astérisque. SunNews. 2025, astérisque crise entre Sonko et Diomé, réaction de la diaspora astérisque. Dièse dièse dièse astérisque astérisque 5. Prochaines étapes concrètes astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque choisir un chapitre pilote astérisque astérisque, je peux vous aider à rédiger un chapitre complet, exemple, chapitre 13 ou 14, avec citation, données et analyse. 2. Astérisque astérisque identifier des interviews astérisque astérisque, liste de contacts, ONG, pêcheurs, militants, pour des témoignages exclusifs. 3. Astérisque astérisque valider les sources astérisque astérisque, vérifier l'accès aux documents officiels, ministère, présidence. Astérisque astérisque question pour avancer astérisque astérisque. Souhaitez-vous que je développe astérisque astérisque un chapitre clé en entier astérisque astérisque, exemple, la réforme de la pêche ou le panafricanisme, avec des extraits prêts à l'emploi. Ou préférez-vous une astérisque astérisque liste détaillée de contacts astérisque astérisque, ONG, experts, pour vos interviews? Avez-vous besoin d'aide pour astérisque astérisque structurer la bibliographie astérisque astérisque ou les annexes? Je suis à votre disposition pour peaufiner chaque section et garantir un livre astérisque astérisque à la fois rigoureux et accessible astérisque astérisque.